Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les consommateurs du sucre en Ngozi s'indignent pour cause de pénurie de ce produit qui se vend en cachette jusque même à 5000 francs burundais le kilo. Le porte-parole du ministère de Commerce a annoncé jeudi de cette semaine que les investisseurs sont appelés à importer le sucre. C'était au cours d'une conférence publique. Les justiciables perdent confiance en la justice tant qu'ils attendent beaucoup de temps les services des juridictions. Analyse d'un avocat conseil après les lamentations de certains habitants de Rwanza pour cause de longs moments qu'ils attendent avant d'être accueillis par le parquet. Et le gouvernement du Burundi devrait renforcer les compétitions de jeunes, appel du directeur général de l'association e-Home Burundi, présentant ce samedi les préparatifs d'un tournoi d'Ikayanza Got Talent prévu au mois d'août prochain. Anselme Irambona assure la mise en onde. Tout de suite, les détails. Nous débutons cette édition par la justice. L'exécution des décisions prises par la CNTB, Commission nationale des terres et autres très bien, en commune et province Rumonge, par la Cour spéciale des terres et autres très bien, CSTB, est critiquée par les parties concernées. D'un côté, certains parmi les résidents parlent de l'exécution des décisions pour lesquelles ils ont interjeté appel dont ils n'ont pas été signifiés. De l'autre, certains rapatriés dénoncent des reports de cette exécution pour des raisons qu'ils estiment non fondées. Pascal Ngendakouliyo, président de cette cour, justifie ces reports par la vérification préalable de certaines déclarations des parties en conflit. Le point avec Jean-Pierre Misago. Sur les collines Birimba, Busebga, Gatete et Mugara, toutes de la commune province Rumonge, la Cour spéciale des terres et autres biens y a effectué une descente la semaine qui s'achève dans l'optique de mettre en exécution les décisions rendues par la Commission nationale des terres et autres biens CNTB devenues exécutoires avant la fin de son mandat. Dans la plupart des cas, ces décisions n'ont pas été exécutées. Tantôt, ce sont certains des résidents qui s'y sont opposés, arguant qu'ils ont interjeté appel avec 10 papiers justificatifs fraudés et saisis par la cour, ou qu'ils n'ont pas plaidé, ou tout simplement qu'ils n'ont pas été signifiés. Tantôt, c'est le président de la Cour spéciale des terres et autres biens qui a ordonné au téléphone le report de l'exécution, car ayant trouvé dans le dossier un écrit demandant la suspension de l'exécution, un écrit du président de la CNTB d'alors. Le cas illustratif évoqué ici par les rapatriés est celui de ce 14 juillet courant où la Cour a reporté la remise d'une parcelle à un rapatrié dans la ville de Rumonge. Pascal Ngendakouliyo, président de la CSTB, reconnaît que certaines décisions de la CNTB n'ont pas été exécutées. Le président de cette cour dit qu'il a fallu du temps pour avoir accès au registre de la CNTB et vérifier ainsi si les motifs avancés par les résidents sont fondés. S'agissant de cette suspension dans l'exécution de décisions de la CNTB, le président de la CSTB dit qu'une orientation a été donnée par le ministère de tutelle et rassure les rapatriés que quoi qu'il en soit, ceux qui sont en droit d'être rétablis dans leur bien le seront prochainement. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Justice toujours. Les justiciables qui attendent beaucoup de temps les services des juridictions et parquets perdent confiance en la justice. Analyse d'un avocat conseil après les lamentations de certains habitants de la province de Rubanza pour cause de longs moments qu'ils passent attendant d'être accueillis par les magistrats. Maître Salvatore Minani considère que cela est l'une des causes du retard de traitement des dossiers au niveau de la justice, ce qui pour lui va à l'encontre des textes nationaux et internationaux qui prévoit les délais raisonnables en cette matière. Suivez plutôt Maître Salvatore Minani. la constitution de la République du Burundi, les différentes lois nationales, mais également les différentes conventions internationales ratifiées par le Burundi, notamment en matière des droits de l'homme, reconnaissent les délais raisonnables que le justiciable ou dont le justiciable bénéficie lorsque il y cherche à obtenir la justice auprès des juridictions ou auprès des parquets. Les problèmes qui se posent lorsque ces justiciables doivent attendre pour longtemps, c'est que tout d'abord, leurs activités quotidiennes auxquelles ils devraient vaquer, finalement, seront en retard. La deuxième chose, c'est que ces mêmes justiciables peuvent développer un esprit où ils n'auront plus confiance en la justice parce qu'ils disent, eh bien, quand on y va, nous ne sommes pas accueillis dans un bon moment, ou alors, même si on nous accueille, nous n'obtenons pas justice dans les délais raisonnables tels que stipulés par les différentes conventions ou tels que prévus par les différents textes de loi. Devant cette situation, les décideurs doivent voir comment améliorer une telle situation, soit en multipliant ou en augmentant le nombre de magistrats, parce que l'une des raisons c'est qu'ils sont moins nombreux, ou alors en essayant de les rendre plus compétents. Plus compétents, je veux dire que des fois les dossiers peuvent traîner beaucoup parce que les magistrats ne voient pas exactement dans quelle direction il faut orienter tel ou tel autre dossier. Il faut que le nombre de magistrats soit revu à la hausse. Évidemment, ça a d'autres implications sur la vie nationale, notamment le budget. Mais la justice, c'est l'une des priorités dans tout pays qui veut se développer au vrai sens du terme. Vous n'avez pas eu son gagné? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 au studio de la radio Isanganiro, parlons commerce. Pénurie de sucre en province Ngozi depuis un mois. Les consommateurs de ce produit disent avoir du pain sur la planche à en avoir, indiquant qu'ils se vendent en cachette à 5000 francs burundais le kilo contre le prix officiel de 2500 francs burundais. L'administrateur de la commune Ngozi reconnaît que l'assaisonnement a envoyé une quantité insuffisante depuis un mois comparativement à l'approvisionnement habituel. Joseph Martin Bouchoumi déplore la spéculation des commerçants du sucre malgré cette situation. Apollinaire Mouzagara. Différents ménages du chef-lieu de la province Ngozi disent qu'ils peinent depuis un mois à donner du thé aux enfants. La raison est la pénurie du sucre qui se vend actuellement en cachette et selon les affinités. Avant d'accepter qu'ils ont ce produit dans leur boutique, les commerçants doivent se rassurer d'abord que le client va garder le secret à propos du prix afin de ne pas être sanctionné. Ce commerçant devra par après ce prix 4500 à 5000 francs le kilo dans différents quartiers, alors qu'il s'achetait à 2500 francs officiels. L'administrateur de la commune Ngozi reconnaît aussi cette pénurie. Selon Joseph Martin Uchumi, la société sucrière du Mosso n'a promis que 15 tonnes à la province Ngozi contre 150 tonnes normalement y envoyées mensuellement. Cette autorité parle de sanctions faites ces jours-ci à ces commerçants spéculateurs qui ne font qu'empirer la situation. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Apollinaire Mouzagara, merci. La production annuelle de la société sucrière du Mosso reste insuffisante à la demande de la population burundaise. Lors de l'émission publique de ce jeudi à Muramvya, le porte-parole du ministère du Commerce a indiqué qu'ils appellent toujours d'autres investisseurs à l'importation de ce produit pour appuyer l'assaisonnement. Onésime Niukure a déclaré que le ministère déplore toutefois la spéculation qui persiste dans sa commercialisation. Onésime Niukure traduit en français par Moïse Misako. N'abenegihugu bacha bakenera isukari n'umwimbu ihinguriro sosumo riba ryarose kumwaka bishika yuko. On vous a informé que la société sucrée de Mosso n'arrive plus à produire une quantité pouvant suffire la demande locale. C'est pourquoi on a pris la décision de permettre à d'autres investisseurs d'appuyer la production du sucre de la sosumo. Ce que nous voulons vous dire ici, c'est qu'actuellement, nous voulons l'implantation d'autres usines de production de sucre au Burundi. Déjà, dans la province de Rutana, il y a une usine en cours de construction. Muko mumaze kubimenya mu ntara ya Rutana hariho ihinguriro riko rirubakwa Nous encourageons d'autres hommes d'affaires qui ont la capacité d'investir dans ce secteur. Nous regrettons tout de même le comportement de certains commerçants qui font de la spéculation sur la commercialisation du sucre. On ne pourra pas atteindre la vision du pays émergent en 2040 et du pays développé en 2060 si la situation reste inchangée. Nous appelons ainsi les autorités administratives et policières de continuer à faire respecter les prix de tous les produits. Nous demandons que des sanctions soient prises pour tous ces spéculateurs. Ils vont être rayés de la liste des commerçants grossistes du sucre et seront remplacés par d'autres qui respectent les mesures prises. Isukari ekambere n'ibindi bidandazwa bashikirize ugo rutonde mu shikiranganje kugira ngo abo badandaza bakugwe burundu ku rutonde rw'abasanzwe badandaza isukari hashigweho urundi rutonde rw'abishoboye. À Makamba, certains affiliés de la mutuelle de la fonction publique s'inquiètent qu'ils enregistrent des pertes énormes relatives aux déplacements suite à la coupure intempestive de courant électrique. Ils relatent qu'ils ne sont pas servis comme d'habitude suite à cette coupure de courant et demandent que cette agence soit équipée de groupes électrogènes de panneaux solaires. Le chef d'agence de la mutuelle parle du problème de batterie déchargée qu'il a déjà informé son supérieur hiérarchique, Élisée Kwizera. Ces pertes énormes qu'enregistrent les affiliés de l'agence de la mutuelle de la fonction publique à Makamba sont dues à la coupure intensive de l'électricité de la régie des eaux. Les affiliés de cette agence qui cherchent les cartes mutuelles révèlent que, une fois qu'il y a la coupure de l'électricité, les services se sont perturbés et certains parmi ceux-là rentrent sans être servis, malgré leurs dépenses en rapport avec les frais de déplacement et de restauration. Ils demandent à la mutuelle de la fonction publique de s'équiper en groupe électrogène ou instaurer le système des panneaux solaires pour pallier à ce défi. Le chef d'agence de la mutuelle à Makamba, Innocent Diokubwayo, ne nie pas cette perturbation des services en cas de la coupure du courant électrique. Il dit que cette agence dispose déjà des panneaux solaires, mais que les batteries sont déchargées. Il rassure que d'autres batteries en remplacement de celles-ci puissent être disponibles à tout moment, car le problème est déjà soulevé à ces institutions supérieures. Ce chef raconte qu'on enregistre entre 150 et 200 selon qu'il y a eu cet incident. Au moment où dans les conditions normales, les affiliés servis se comptent autour de 300 par jour pendant cette période où les élèves sont déjà en vacances. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Nous terminons cette édition par le sport. Le gouvernement burundais et différentes associations devraient organiser davantage des compétitions de jeunes afin de les aider à se développer via leurs talents. À propos de Onias Nizonkiza, directeur général de l'association IHOM Burundi, il a dit dans une conférence de presse de ce samedi à l'occasion de la présentation d'un tournoi dit Kayanza Got Talent, organisé dans différentes disciplines par cette association à l'endroit des jeunes de la province de Kayanza le mois prochain, Patrick Nsengiyumva. Cette compétition organisée par la société IHOM Burundi et qui réunira les jeunes de la province Kayanza le mois prochain sera essentiellement faite dans le tournoi de football, de la course à vélo et de la compétition en poésie et slam. Onias Nizonkiza, directeur général de la société IHOM Burundi, fait savoir que les jeunes ont beaucoup de talents, d'où il faut les aider à les détecter afin qu'ils puissent se développer par l'exploitation de ces mêmes talents. Le directeur général de IHOM Burundi appelle les jeunes de la province Kayanza à répondre massivement à la compétition dite Kayanza Got Talents, organisé le mois prochain à leur intention. D'après lui, l'exploitation d'un quelconque talent peut permettre de développement. Onias Nizonkiza a donné l'exemple d'une jeune fille de la province Kayanza qui aujourd'hui participe dans des compétitions de la course à vélo au niveau tant national qu'international, alors que son talent de courir à vélo a été détecté dans une course à vélo qui a été organisée par cette même société IHOM Burundi. Damien Nizigimana, président du Conseil national de la jeunesse burundaise, dans un commune Kayanza demande à cette société Homo Burundi de prévoir aussi des enseignements liés à l'élaboration des projets pour des jeunes de Kayanza. À cette question-là, Manila Rogerome, président fondateur de la société Homo Burundi, dit que le projet est déjà là. Selon lui, non seulement on enseigne des jeunes l'élaboration des projets, mais aussi on leur donne de l'emploi. C'est tout que selon lui, la société intervient aussi dans le domaine économique avec une microfinance Iragi, dans le domaine de la santé et mutualité avec aussi une dispensaire qui va bientôt ouvrir ses portes à Kayanza. Manila Rogerome appelle d'autres sociétés et associations à appuyer davantage les jeunes, surtout dans la création de l'emploi pour eux. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Nsengiumba, et c'est par là que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alain Désiré, Bukeneza.